Section 4. Des mémoires d'outre-tombe, volume 3, par François-René de Chateaubriand. Les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Troisième partie, livre premier, suite. D'après les proclamations, les ordres du jour, les discours de Bonaparte, il est évident qu'il visait à se faire passer pour l'envoyé du ciel, à l'instar d'Alexandre. Callisthène, à qui le Macédonien infligea dans la suite un si rude traitement, en punition sans doute de la flatterie du philosophe, fut chargé de prouver que le fils de Philippe était fils de Jupiter. C'est ce que l'on voit dans un fragment de Callisthène conservé par Strabon. Le pourparler d'Alexandre de Pasquier est un dialogue des morts entre Alexandre le grand conquérant et Rabelais le grand moqueur. « Cours-moi de l'œil, » dit Alexandre à Rabelais, « toutes ces contrées que tu vois être en ces bas-lieux, tu ne trouveras aucun personnage d'étoffe qui, pour autoriser ses pensées, n'ait voulu donner à entendre qu'il eût familiarité avec les dieux. » Rabelais répond, « Alexandre, pour te dire le vrai, je ne m'amuserai jamais à reprendre tes petites particularités, mêmement en ce qui appartient au vin. Mais quel profit sont-tu de la grandeur, maintenant? En es-tu autre que moi ? Le regret que tu as te doit causer telle fâcherie qu'il te sera beaucoup plus expédient qu'avec ton corps tu eusses perdu la mémoire. » Et pourtant, en s'occupant d'Alexandre, Bonaparte se méprenait et sur lui-même et sur l'époque du monde et sur la religion. Aujourd'hui, on ne peut se faire passer pour un dieu. Quant aux exploits de Napoléon dans le Levant, ils n'étaient pas encore mêlés à la conquête de l'Europe. Il n'avait pas obtenu d'assez hauts résultats pour imposer à la foule islamiste, quoiqu'on le surnommât le sultan de feu. Alexandre, à l'âge de 33 ans, dit Montaigne, avoit passé victorieux toute la terre habitable, et dans une demi-vie avoit atteint tout l'effort de l'humaine nature. Plus de rois et de princes ont écrit ses gestes que d'autres historiens n'ont écrit les gestes d'autres rois. Du Caire, Bonaparte se rendit à Suez. Il vit la mer qu'ouvrit Moïse et qui retomba sur Pharaon. Il reconnut les traces d'un canal que commença Sésostris, qu'élargirent les Perses, que continua le second des Ptolémées, que réentreprirent les Soudans dans le dessein de porter à la Méditerranée le commerce de la mer Rouge. Il projeta d'amener une branche du Nil dans le golfe arabique. Au fond de ce golfe, son imagination traça l'emplacement d'un nouvel Ophir, où se tiendrait tous les ans une foire pour les marchands de parfums, d'aromates, d'étoffes de soie, pour tous les objets précieux de Mascate, de la Chine, de Ceylan, de Sumatra, des Philippines et des Indes. Les cénobites descendent du Sinaï et le prient d'inscrire son nom auprès de celui de Saladin dans le livre de leur garantie. Revenu au Caire, Bonaparte célèbre la fête anniversaire de la fondation de la République en adressant ses paroles à ses soldats. Il y a 5 ans, l'indépendance du peuple français était menacée, mais vous prîtes Toulon. Ce fut le présage de la ruine de vos ennemis. 1 an après, vous battiez les Autrichiens à Dego. L'année suivante, vous étiez sur le sommet des Alpes. Vous luttiez contre Mantoue il y a 2 ans et vous remportiez la célèbre victoire de Saint-Georges. L'an passé, vous étiez aux sources de la Drave et de l'Isonzo, de retour de l'Allemagne. Qui eût dit alors que vous seriez aujourd'hui sur les bords du Nil, au centre de l'ancien continent? Mais Bonaparte, au milieu des soins dont il était occupé et des projets qu'il avait conçus, était-il réellement fixé dans ses idées? Tandis qu'il avait l'air de vouloir rester en Égypte, la fiction ne l'aveuglait pas sur la réalité, et il écrivait à Joseph, son frère, « Je pense être en France dans 2 mois. Fais en sorte que j'aie une campagne à mon arrivée, soit près de Paris ou en Bourgogne. Je compte y passer l'hiver. » Bonaparte ne calculait point ce qui pouvait s'opposer à son retour. Sa volonté était sa destinée et sa fortune. Cette correspondance tombée aux mains de l'amirauté, les Anglais ont osé avancer que Napoléon n'avait eu d'autre mission que de faire périr son armée. Une des lettres de Bonaparte contient des plaintes sur la coquetterie de sa femme. Les Français, en Égypte, étaient d'autant plus héroïques qu'ils sentaient vivement leurs maux. Un maréchal des logis écrit à l'un de ses amis « Dis à Ledoux qu'il n'ait jamais la faiblesse de s'embarquer pour venir dans ce maudit pays. » À Vrieri, tous ceux qui viennent de l'intérieur disent qu'Alexandrie est la plus belle ville. Hélas, que doit donc être le reste? Figurez-vous un amas confus de maisons mal bâties à un étage, les belles avec terrasse, petite porte en bois, serrure, idem, point de fenêtre, mais un grillage en bois, si rapproché qu'il est impossible de voir quelqu'un au travers. Rues étroites, hormis le quartier des Francs et le côté des Grands. Les habitants pauvres, qui forment le plus grand nombre au naturel, hormis une chemise bleue jusqu'à mi-cuisse, qu'ils retroussent la moitié du temps dans leurs mouvements, une ceinture et un turban de guenilles. J'ai de ce charmant pays jusque par-dessus la tête. Je m'enrage d'y être. La maudite Égypte. Sable partout. Que de gens attrapés, cher ami. Tous ces faiseurs de fortune, ou bien tous ces voleurs, ont le nez bas. Ils voudraient retourner d'où ils sont partis. Je le crois bien. Rosis, capitaine. Nous sommes très réduits. Avec cela, il existe un mécontentement général dans l'armée. Le despotisme n'a jamais été au point qu'il l'est aujourd'hui. Nous avons des soldats qui se sont donné la mort en présence du général en chef en lui disant « Voilà ton ouvrage ». Le nom de Tallien terminera la liste de ces noms aujourd'hui presque inconnus. Tallien à Madame Tallien. Quant à moi, ma chère amie, je suis ici, comme tu le sais, bien contre mon gré. Ma position devient chaque jour plus désagréable, puisque, séparée de mon pays, de tout ce qui m'est cher, je ne prévois pas le moment où je pourrais m'en rapprocher. Je te l'avoue bien franchement, je préférerais mille fois être avec toi et ta fille, retirée dans un coin de terre, loin de toutes les passions, de toutes les intrigues. Et je t'assure que si j'ai le bonheur de retoucher le sol de mon pays, ce sera pour ne le quitter jamais. Parmi les 40 000 Français qui sont ici, il n'y en a pas 4 qui pensent autrement. Rien de plus triste que la vie que nous menons ici. Nous manquons de tout. Depuis 5 jours, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis couché sur le carreau. Les mouches, les punaises, les fourmis, les cousins, tous les insectes nous dévorent. Et 20 fois chaque jour, je regrette notre charmante chaumière. Je t'en prie, ma chère amie, ne t'en défais pas. Adieu, ma bonne Thérésia. Les larmes inondent mon papier. Les souvenirs les plus doux de ta bonté, de notre amour, l'espoir de te retrouver toujours aimable, toujours fidèle, d'embrasser ma chère fille, soutiennent seuls l'infortuné. La fidélité n'était pour rien dans tout cela. Cette unanimité de plainte est l'exagération naturelle d'hommes tombés de la hauteur de leurs illusions. De tout temps, les Français ont rêvé l'Orient. La chevalerie leur en avait tracé la route. S'ils n'avaient plus la foi qui les menait à la délivrance du Saint-Tombeau, ils avaient l'intrépidité des croisés, la croyance des royaumes et des beautés qu'avaient créées autour de Godefroy les chroniqueurs et les troubadours. Les soldats vainqueurs de l'Italie avaient vu un riche pays à prendre, des caravanes à détrousser, des chevaux, des armes et des sérails à conquérir. Les romanciers avaient aperçu la princesse d'Antioche, et les savants ajoutaient leurs songes à l'enthousiasme des poètes. Il n'y a pas jusqu'au voyage d'Anténor qui ne passât au début pour une docte réalité. On allait pénétrer la mystérieuse Égypte, descendre dans les catacombes, fouiller les pyramides, retrouver des manuscrits ignorés, déchiffrer des hiéroglyphes et réveiller Thermosiris. Quand, au lieu de tout cela, l'Institut, en s'abattant sur les pyramides, les soldats, en ne rencontrant que des fellahs nus, des cahutes de boue desséchées, se trouvèrent en face de la peste, des bédouins et des mamelouks, le mécompte fut énorme. Mais l'injustice de la souffrance aveugla sur le résultat définitif. Les Français semèrent en Égypte ces germes de civilisation que Mahomet a cultivés. La gloire de Bonaparte s'accrut, un rayon de lumière se glissa dans les ténèbres de l'islamisme, et une brèche fut faite à la barbarie. Pour prévenir les hostilités des pachas de la Syrie et poursuivre quelques mamelouks, Bonaparte entra le 22 février dans cette partie du monde à laquelle le commandant d'Aboukir l'avait légué. Napoléon trompait, c'était un de ses rêves de puissance qu'il poursuivait. Plus heureux que Cambyse, il franchit les sables sans rencontrer le vent du midi. Il campe parmi les tombeaux, il escalade El Harish et triomphe à Gaza. Nous étions, écrit-il le 6, aux colonnes placées sur les limites de l'Afrique et de l'Asie. Nous couchâmes le soir en Asie. Cet homme immense marchait à la conquête du monde. C'était un conquérant pour des climats qui n'étaient pas à conquérir. Jaffa est emporté. Après l'assaut, une partie de la garnison, estimée par Bonaparte à 1 200 hommes et portée par d'autres à 2 ou 3 000, se rendit et fut reçue à Merci. 2 jours après, Bonaparte ordonna de la passer par les armes. Walter Scott et Sir Robert Wilson ont raconté ces massacres. Bonaparte, à Sainte-Hélène, n'a fait aucune difficulté de les avouer à Lord Ebrington et au docteur O'Meara. Mais il en rejetait l'odieux sur la position dans laquelle il se trouvait. Il ne pouvait nourrir les prisonniers. Il ne les pouvait renvoyer en Égypte sous escorte. Leur laisser la liberté sur parole. Il ne comprendrait même pas ce point d'honneur et ses procédés européens. Wellington, dans ma place, disait-il, aurait agi comme moi. Napoléon se décida, dit M. Thiers, à une mesure terrible et qui est le seul acte cruel de sa vie. Il fit passer au fil de l'épée les prisonniers qui lui restaient. L'armée consomma avec obéissance, mais avec une espèce d'effroi, l'exécution qui lui était commandée. Le seul acte cruel de sa vie s'est beaucoup affirmé après les massacres de Toulon, après tant de campagnes où Napoléon compta à néant la vie des hommes. Il est glorieux pour la France que nos soldats aient protesté par une espèce d'effroi contre la cruauté de leur général. Mais les massacres de Jaffa sauvaient-ils notre armée? Bonaparte ne vit-il pas avec quelle facilité une poignée de Français renversa les forces du pacha de Damas? À Aboukir ne détruisit-il pas, avec quelques chevaux, 13 000 Osmanlis? Kléber, plus tard, ne fit-il pas disparaître le grand vizir et ses myriades de mahométans? S'il s'agissait de droit, quel droit les Français avaient-ils eu d'envahir l'Égypte? Pourquoi égorgeaient-ils des hommes qui n'usaient que du droit de la défense? Enfin, Bonaparte ne pouvait invoquer les lois de la guerre, puisque les prisonniers de la garnison de Jaffa avaient mis bas les armes et que leur soumission avait été acceptée. Le fait que le conquérant s'efforçait de justifier le gênait. Ce fait est passé sous silence ou indiqué vaguement dans les dépêches officielles et dans les récits des hommes attachés à Bonaparte. « Je me dispenserai, dit le docteur Larrey, de parler des suites horribles qu'entraîne ordinairement l'assaut d'une place. J'ai été le triste témoin de celui de Jaffa. Bourrienne s'écrie, cette scène atroce me fait encore frémir lorsque j'y pense, comme le jour où je la vis, et j'aimerais mieux qu'il me fût possible de l'oublier que d'être forcé de la décrire. » Tout ce qu'on peut se figurer d'affreux dans un jour de sang serait encore au-dessous de la réalité. Bonaparte écrit au directoire que Jaffa fut livré au pillage et à toutes les horreurs de la guerre qui jamais ne lui apparut si hideuses. Ces horreurs, qui les avait commandées? Berthier, compagnon de Napoléon en Égypte, étant au quartier général de Lens, en Allemagne, adressa le 5 mai 1809 au major général de l'armée autrichienne une dépêche foudroyante contre une prétendue fusillade exécutée dans le Tyrol, où commandait Chastelet. Il a laissé égorger, Chastelet, 700 prisonniers français et 1800 à 1900 bavarois, crime inouï dans l'histoire des nations, qui eût pu exciter une terrible représaille si Sa Majesté ne regardait les prisonniers comme placés sous sa foi et sous son honneur. Bonaparte dit ici tout ce que l'on peut dire contre l'exécution des prisonniers de Jaffa. Que lui importait de telles contradictions? Il connaissait la vérité, et il s'en jouait. Il en faisait le même usage que du mensonge. Il n'appréciait que le résultat. Le moyen lui était égal. Le nombre des prisonniers l'embarrassait. Il les tua. Il y a toujours eu deux Bonaparte, l'un grand, l'autre petit. Lorsque vous croyez être en sûreté dans la vie de Napoléon, il rend cette vie affreuse. Millot, dans la première édition de ses mémoires, 1804, se tait sur les massacres. On ne les lit que dans l'édition de 1814. Cette édition a presque disparu. J'ai eu de la peine à la retrouver. Pour affirmer une aussi douloureuse vérité, il ne me fallait rien moins que le récit d'un témoin oculaire. Autre est de savoir en gros l'existence d'une chose, autre d'en connaître les particularités. La vérité morale d'une action ne se décèle que dans les détails de cette action. Les voici d'après Millot. Le 20 Ventose, 10 mars, dans l'après-midi, les prisonniers de Jaffa furent mis en mouvement au milieu d'un vaste bataillon carré, formé par les troupes du général Bon. Un bruit sourd du sort qu'on leur préparait me détermina, ainsi que beaucoup d'autres personnes, à monter à cheval et à suivre cette colonne silencieuse de victimes pour m'assurer si ce qu'on m'avait dit était fondé. Les Turcs, marchant pêle-mêle, prévoyaient déjà leur destinée. Ils ne versaient point de larmes. Ils ne poussaient point de cris. Ils étaient résignés. Quelques-uns blessés, ne pouvant suivre aussi promptement, furent tués en route à coups de baïonnette. Quelques autres circulaient dans la foule et semblaient donner des avis salutaires dans un danger aussi imminent. Peut-être les plus hardis pensaient-ils qu'il ne leur était pas impossible d'enfoncer le bataillon qui les enveloppait. Peut-être espéraient-ils qu'en se disséminant dans les champs qu'ils traversaient, un certain nombre échapperait à la mort. Toutes les mesures avaient été prises à cet égard et les Turcs ne firent aucune tentative d'évasion. Arrivés enfin dans les dunes de sable au sud-ouest de Jaffa, on les arrêta auprès d'une mare d'eau jaunâtre. Alors l'officier qui commandait les troupes fit diviser la masse par petites portions, et ses pelotons, conduits sur plusieurs points différents, y furent fusillés. Cette horrible opération demanda beaucoup de temps, malgré le nombre des troupes réservées pour ce funeste sacrifice, et qui, je dois le déclarer, ne se prêtait qu'avec une extrême répugnance au ministère abominable qu'on exigeait de leurs bras victorieux. Il y avait près de la mare d'eau un groupe de prisonniers, parmi lesquels étaient quelques vieux chefs, au regard noble et assuré, et un jeune homme dont le moral était fort ébranlé. Dans un âge si tendre, il devait se croire innocent, et ce sentiment le porta à une action qui parut choquer ceux qui l'entouraient. Il se précipita dans les jambes du cheval que montait le chef des troupes françaises, il embrassa les genoux de cet officier en implorant grâce de la vie, il s'écriait « De quoi suis-je coupable? Quel mal ai-je fait ?» Les larmes qu'il versait, ses cris touchants, furent inutiles. Ils ne purent changer le fatal arrêt prononcé sur son sort. À l'exception de ce jeune homme, tous les autres Turcs firent avec calme leur ablution dans cette eau stagnante dont j'ai parlé, puis, se prenant la main, après l'avoir portée sur le cœur et à la bouche, ainsi que se saluent les musulmans, ils donnaient et recevaient un éternel adieu. Leurs âmes courageuses paraissaient défier la mort. On voyait dans leur tranquillité la confiance que leur inspirait à ces derniers moments leur religion et l'espérance d'un avenir heureux. Ils semblaient se dire « Je quitte ce monde pour aller jouir auprès de Mahomet d'un bonheur durable ». Ainsi, ce bien-être après la vie que lui promet le Coran soutenait le musulman vaincu mais fier de son malheur. Je vis un vieillard respectable dont le ton et les manières annonçaient un grade supérieur. Je le vis faire creuser froidement devant lui, dans le sable mouvant, un trou assez profond pour s'y enterrer vivant. Sans doute, il ne voulut mourir que par la main des siens. Il s'étendit sur le dos dans cette tombe tutélaire et douloureuse, et ses camarades, en adressant à Dieu des prières suppliantes, le couvrirent bientôt de sable, et trépignèrent ensuite sur la terre qui lui servait de linceul, probablement dans l'idée d'avancer le terme de ses souffrances. Ce spectacle, qui fait palpiter mon cœur, et que je peins encore trop faiblement, eut lieu pendant l'exécution des pelotons répartis dans les dunes. Enfin, il ne restait plus de tous les prisonniers que ceux placés près de la mare d'eau. Nos soldats avaient épuisé leurs cartouches. Il fallut frapper ceux-ci à la baïonnette et à l'arme blanche. Je ne pus soutenir cette horrible vue. Je m'enfuis, pâle et prêt à défaillir. Quelques officiers me rapportèrent le soir que ces infortunés, cédant à ce mouvement irrésistible de la nature qui nous fait éviter le trépas, même quand nous n'avons plus l'espérance de lui échapper, s'élançaient les uns dessus les autres et recevaient dans les membres les coups dirigés au cœur et qui devaient sur-le-champ terminer leur triste vie. Il se forma, puisqu'il faut le dire, une pyramide effroyable de morts et de mourants dégouttant de sang. Il fallut retirer les corps déjà expirés pour achever les malheureux qui, à l'abri de ce rempart affreux, épouvantable, n'avaient point encore été frappés. Ce tableau est exact et fidèle, et le souvenir fait trembler ma main qui n'en rend point toute l'horreur. La vie de Napoléon, opposée à de telles pages, explique l'éloignement que l'on ressent pour lui. Conduit par les religieux du couvent de Jaffa, dans les sables au sud-ouest de la ville, j'ai fait le tour de la tombe, jadis monceau de cadavres, aujourd'hui pyramide d'ossements. Je me suis promené dans des vergers de grenadiers chargés de pommes vermeilles, tandis qu'autour de moi, la première hirondelle arrivée d'Europe rasait la terre funèbre. Le ciel punit la violation des droits de l'humanité. Il envoya la peste. Elle ne fit pas d'abord de grands ravages. Bourrienne relève l'erreur des historiens qui placent la scène des pestiférés de Jaffa au premier passage des Français dans cette ville. Elle n'eut lieu qu'à leur retour de Saint-Jean-d'Acre. plusieurs personnes de notre armée m'avaient déjà assuré que cette scène était une pure fable. Bourrienne confirme ces renseignements. Les lits des pestiférés, raconte le secrétaire de Napoléon, étaient à droite en entrant dans la première salle. Je marchais à côté du général, j'affirme ne l'avoir pas vu toucher à un pestiféré. Il traversa rapidement les salles, frappant légèrement le revers jaune de sa botte avec la cravache qu'il tenait à la main. Il répétait en marchant à grands pas ces paroles « Il faut que je retourne en Égypte pour la préserver des ennemis qui vont arriver ». Dans le rapport officiel du major général, 29 mai, il n'est pas dit un mot des pestiférés, de la visite à l'hôpital et de l'attouchement des pestiférés. Que devient le beau tableau de Gros ? Il reste comme un chef-d'œuvre de l'art. Saint-Louis, moins favorisé par la peinture, fut plus héroïque dans l'action. Le bon roi, doux et débonnaire, quand il vit ce, eut grand pitié à son cœur, et fit en toste toute autre chose laissée, et faire fosse, et mit les champs, et dédié là un cimetière par le légat. Le roi Louis aida de ses propres mains à enterrer les morts. À peine trouva-t-on aucun qui voulût mettre la main. Le roi venoit tous les matins de 5 jours qu'on mit à enterrer les morts après sa messe, au lieu, et disoit à sa gente, « Allons ensevelir les martyrs qui ont souffert pour notre Seigneur, et ne soyez pas lassés de ce faire, car ils ont plus souffert que nous n'avons. » Là et toi présent, en habit de cérémonie, l'archevêque de Tyr et l'évêque de Damiette et leur clergé qui disoient le service des morts, mais ils estoupoient leur nez pour la puanteur. Méonc ne fut vu au bon roi Louis estouper le sien, tant le faisoit fermement et dévotement. Bonaparte met le siège devant Saint-Jean d'Acre. On verse le sang à Cana, qui fut témoin de la guérison du fils du centenier par le Christ. À Nazareth, qui cacha la pacifique enfance du Sauveur, au Tabor, qui vit la transfiguration, et où Pierre dit « Maître, nous sommes bien sur cette montagne, dressons-y 3 tentes ». Ce fut du mont Tabor que fut expédié l'ordre du jour à toutes les troupes qui occupaient Sour, l'ancienne Tyr, Césarée, les cataractes du Nil, les bouches pélusiaques, Alexandrie et les rives de la mer Rouge, qui porte les ruines de Colsoun et d'Arsinoé. Bonaparte était charmé de ces noms qu'il se plaisait à réunir. Dans ce lieu des miracles, Kléber et Murat renouvelèrent les faits d'armes de Tancrède et de Renaud. Ils dispersèrent les populations de la Syrie, s'emparèrent du camp du Pacha de Damas, jetèrent un regard sur le Jourdain, sur la mer de Galilée, et prirent possession de Scaphète, l'ancienne Béthulie. Bonaparte remarque que les habitants montrent l'endroit où Judith tua Holoferne. Les enfants arabes des montagnes de la Judée m'ont appris des traditions plus certaines lorsqu'ils me criaient en français « En avant, en marche !» Ces mêmes déserts, ai-je dit dans les martyrs, ont vu marcher les armées de Sésostris, de Cambyse, d'Alexandre, de César. Siècles à venir, vous y ramènerez des armées non moins nombreuses, des guerriers non moins célèbres. Après m'être guidé sur les traces encore récentes de Bonaparte en Orient, je suis ramené, quand il n'est plus à repasser, sur sa course. Saint-Jean était défendu par Djézard, le boucher. Bonaparte lui avait écrit de Jaffa, le 9 mars 1799, « Depuis mon entrée en Égypte, je vous ai fait connaître plusieurs fois que mon intention n'était pas de vous faire la guerre, que mon seul but était de chasser les Mamelouks. Je marcherai sous peu de jours sur Saint-Jean d'Acre. Mais quelle raison ai-je d'ôter quelques années de vie à un vieillard que je ne connais pas? Que font quelques lieues de plus à côté des pays que j'ai conquis? » Djézard ne se laissa pas prendre à ses caresses. Le vieux tigre se défiait de l'ongle de son jeune confrère. Il était environné de domestiques mutilés de sa propre main. On raconte que Djézard est un Bosnien cruel, disait-il de lui-même. Récit du général Sébastiani. Un homme de rien, mais en attendant, je n'ai besoin de personne, et l'on me recherche. Je suis né pauvre, mon père ne m'a légué que son courage. Je me suis élevé à force de travaux, mais cela ne me donne pas d'orgueil. Car tout finit, et aujourd'hui peut-être, ou demain, Djézard finira. Non pas qu'il soit vieux, comme le disent ses ennemis, mais parce que Dieu l'a ainsi ordonné. Le roi de France, qui était puissant, a péri. Nabuchodonosor a été tué par un moucheron, etc. Au bout de 61 jours de tranchée, Napoléon fut obligé de lever le siège de Saint-Jean-d'Acre. Nos soldats, sortant de leur hutte de terre, couraient après les boulets de l'ennemi que nos canons lui renvoyaient. Nos troupes, ayant à se défendre contre la ville et contre les vaisseaux embossés des Anglais, livrèrent 9 assauts et montèrent 5 fois sur les remparts. Du temps des croisés, il y avait à Saint-Jean-d'Acre, au rapport de Rigord, une tour appelée Maudite. Cette tour avait peut-être été remplacée par la grosse tour qui avait fait échouer l'attaque de Bonaparte. Nos soldats sautèrent dans les rues où l'on se battit corps à corps pendant la nuit. Le général Lannes fut blessé à la tête, Colbert à la cuisse. Parmi les morts, on compta Boyer, Venoux et le général Bon, exécuteurs du massacre des prisonniers de Jaffa. Kléber disait de ce siège « Les Turcs se défendent comme des chrétiens, les Français attaquent comme des Turcs ». Critique d'un soldat qui n'aimait pas Napoléon. Bonaparte s'en alla proclamant qu'il avait rasé le palais de Djezzar et bombardé la ville de manière qu'il n'y restait pas pierre sur pierre, que Djezzar s'était retiré avec ses gens dans un des forts de la côte, qu'il était grièvement blessé et que les frégates, aux ordres de Napoléon, s'étaient emparées de 30 bâtiments syriens chargés de troupes. Sir Sidney Smith et Filippo, officiers d'artillerie émigrés, assistaient Djezzar. L'un avait été prisonnier au temple, l'autre compagnon d'études de Napoléon. Autrefois périt devant Saint-Jean-d'Acre la fleur de la chevalerie sous Philippe Auguste. Mon compatriote, Guillaume le Breton, chante ainsi en vers latin du XIIe siècle « Dans tout le royaume à peine trouvait-on un lieu dans lequel quelqu'un n'eut quelque sujet de pleurer, tant était grand le désastre qui précipita nos héros dans la tombe, lorsqu'il fut frappé par la mort dans la ville d'Ascaron. » Ascalon, près de Saint-Jean-d'Acre. Bonaparte était un grand magicien, mais il n'avait pas le pouvoir de transformer le général Bon, tué à Ptolémaïs, en Raoul, sire de Coucy, qui, expirant au pied des remparts de cette ville, écrivait à la dame de Fayel « Mort pour loyalement amer, son ami ». Napoléon n'aurait pas été bien reçu à rejeter la chanson des Cantéors, lui qui se nourrissait à Saint-Jean-d'Acre de bien d'autres fables. Dans les derniers jours de sa vie, sous un ciel que nous ne voyons pas, il s'est plu à divulguer ce qu'il méditait en Syrie, si toutefois il n'a pas inventé des projets d'après des faits accomplis, et ne s'est pas amusé à bâtir avec un passé réel l'avenir fabuleux qu'il voulait que l'on crût. Maître de Ptolémaïs nous raconte les révélations de Sainte-Hélène. Napoléon fondait en Orient un empire, et la France était laissée à d'autres destinées. Il volait à Damas, à Alep, sur l'Euphrate. Les chrétiens de la Syrie, ceux même de l'Arménie, l'eussent renforcé. Les populations allaient être ébranlées. Les débris des Mamelouks, les Arabes du désert de l'Égypte, les Druzes du Liban, les Moutoualis ou Mahométans opprimés de la secte d'Ali pouvaient se réunir à l'armée maîtresse de la Syrie, et la commotion se communiquait à toute l'Arabie. Les provinces de l'Empire ottoman, qui parlent arabe, appelaient un grand changement et attendaient un homme avec des chances heureuses. Il pouvait se trouver sur l'Euphrate, au milieu de l'été, avec 100 000 auxiliaires et une réserve de 25 000 Français qu'il eût successivement fait venir d'Égypte. Il aurait atteint Constantinople et les Indes et changé la face du monde. Avant de se retirer de Saint-Jean-d'Acre, l'armée française avait touché Tyr. Désertée des flottes de Salomon et de la phalange du Macédonien, Tyr gardait plus que la solitude imperturbable d'Isaïe, solitude dans laquelle les chiens muets refusent d'aboyer. Le siège de Saint-Jean-d'Acre fut levé le 20 mai 1799. Arrivé à Jaffa le 24, Bonaparte fut obligé de continuer sa retraite. Il y avait environ 30 à 40 pestiférés, nombre que Napoléon réduit à 7, qu'on ne pouvait transporter. Ne voulant pas les laisser derrière lui, dans la crainte, disait-il, de les exposer à la cruauté des Turcs, il proposa à Desgenettes de leur administrer une forte dose d'opium. Desgenettes lui fit la réponse si connue « Mon métier est de guérir les hommes, non de les tuer ». On ne leur administra point d'opium, dit M. Thiers, et ce fait servit à propager une calomnie indigne et aujourd'hui détruite. Est-ce une calomnie ? Est-elle détruite ? C'est ce que je ne saurais affirmer aussi péremptoirement que le brillant historien. Son raisonnement équivaut à ceci. Bonaparte n'a point empoisonné les pestiférés par la raison qu'il proposait de les empoisonner. Dejnet, d'une pauvre famille de gentilshommes normands, est encore en vénération parmi les Arabes de la Syrie. Et Wilson dit que son nom ne devrait être écrit qu'en lettres d'or. Bourrienne écrit 10 pages entières pour soutenir l'empoisonnement contre ceux qui le nient. « Je ne puis pas dire que j'ai vu donner la potion, dit-il. Je mentirais. Mais je sais bien positivement que la décision a été prise et a dû être prise après délibération, que l'ordre en a été donné et que les pestiférés sont morts. Quoi, ce dont s'entretenait dès le lendemain du départ de Jaffa, tout le quartier général comme d'une chose positive, ce dont nous parlions comme d'un épouvantable malheur, serait devenu une atroce invention pour nuire à la réputation d'un héros ? Napoléon n'abandonna jamais une de ses fautes. Comme un père tendre, il préfère celui de ses enfants qui est le plus disgracié. L'armée française fut moins indulgente que les historiens admiratifs. Elle croyait à la mesure de l'empoisonnement non seulement contre une poignée de malades, mais contre plusieurs centaines d'hommes. Robert Wilson, dans son histoire de l'expédition des Anglais en Égypte, avance le premier la grande accusation. Il affirme qu'elle était appuyée de l'opinion des officiers français prisonniers des Anglais en Syrie. Bonaparte donna le démenti à Wilson, qui répliqua n'avoir dit que la vérité. Wilson était le même major général qui fut commissaire de la Grande-Bretagne auprès de l'armée russe pendant la retraite de Moscou. Il eut le bonheur de contribuer depuis à l'évasion de M. de Lavalette. Il leva une légion contre la légitimité lors de la guerre d'Espagne en 1823, défendit Bilbao et renvoya à M. de Villèle son beau-frère, M. Desbassins, contraint de relâcher dans le port. Le récit de Robert Wilson a donc, sous divers points de vue, un grand poids. La plupart des relations sont uniformes sur le fait de l'empoisonnement. M. de Las Cases admet que le bruit de l'empoisonnement était cru dans l'armée. Bonaparte, devenu plus sincère dans sa captivité, a dit à M. Warnen et au docteur Homera que dans le cas où se trouvaient les pestiférés, il aurait cherché pour lui-même dans l'opium l'oubli de ses maux et qu'il aurait fait administrer le poison à son propre fils. Walter Scott rapporte tout ce qui s'est débité sur ce sujet, mais il rejette la version du grand nombre des malades condamnés, soutenant qu'un empoisonnement ne pourrait s'exécuter avec succès sur une multitude. Il ajoute que Sir Sidney rencontra dans l'hôpital de Jaffa les 7 Français mentionnés par Bonaparte. Walter Scott est de la plus grande impartialité. Il défend Napoléon comme il aurait défendu Alexandre contre les reproches dont on peut charger sa mémoire. C'est pour ainsi dire la première fois que je parle de Walter Scott comme historien de Napoléon, et je le citerai encore. C'est donc ici que je dois dire qu'on s'est trompé prodigieusement en accusant l'illustre Écossais de prévention contre un grand homme. Note. Chateaubriand est le premier en France qui se soit refusé à voir dans l'ouvrage de Walter Scott un pamphlet. Il a eu pleinement raison. Combien d'historiens français, depuis M. Lanfray jusqu'à M. Michelet et à M. Taine, on jugeait Napoléon avec plus de rigueur, et il faut bien le dire, avec moins de justice que l'historien anglais. Fin de note. La vie de Napoléon, Life of Napoléon, n'occupe pas moins de 11 volumes. Elle n'a pas eu le succès qu'on en pouvait espérer, parce que, excepté dans 2 ou 3 endroits, l'imagination de l'auteur de tant d'ouvrages si brillants lui a failli. Il est ébloui par les succès fabuleux qu'il décrit, et comme écrasé par le merveilleux de la gloire. La vie entière manque aussi des grandes vues que les Anglais ouvrent rarement dans l'histoire parce qu'ils ne conçoivent pas l'histoire comme nous. Du reste, cette vie est exacte, sauf quelques erreurs de chronologie. Toute la partie qui a rapport à la détention de Bonaparte à Sainte-Hélène est excellente. Les Anglais étaient mieux placés que nous pour connaître cette partie. En rencontrant une vie si prodigieuse, le romancier a été vaincu par la vérité. La raison domine dans le travail de Walter Scott. Il est en garde contre lui-même. La modération de ses jugements est si grande qu'elle dégénère en apologie. Le narrateur pousse la débonnaireté jusqu'à recevoir des excuses sophistiquées par Napoléon et qui ne sont pas admissibles. Il est évident que ceux qui parlent de l'ouvrage de Walter Scott comme d'un livre écrit sous l'influence des préjugés nationaux anglais et dans un intérêt privé ne l'ont jamais lu. On ne lit plus en France. Loin de rien exagérer contre Bonaparte, l'auteur est effrayé par l'opinion. Ses concessions sont innombrables. Il capitule partout. S'il aventure d'abord un jugement ferme, il le reprend ensuite par des considérations subséquentes qu'il croit devoir à l'impartialité. Il n'ose tenir tête à son héros, ni le regarder en face. Malgré cette sorte de pusillanimité devant l'infatuation populaire, Walter Scott a perdu le mérite de ses condescendances pour avoir, dans son avertissement, fait entendre cette simple vérité « Si le système général de Napoléon, dit-il, à reposer sur la violence et la fraude, ce n'est ni la grandeur de ses talents, ni le succès de ses entreprises qui doit étouffer la voix ou éblouir les yeux de celui qui s'aventure à devenir son historien. If the general system of Napoleon has rested upon force or fraud, it is neither the greatness of his talents, nor the success of his understockings, that of to stifle the voice or dazzle the eyes of him who adventures to be his historian. L'humble audace qui essuie comme Madeleine la poussière des pieds du dieu avec sa chevelure passe aujourd'hui pour un sacrilège. La retraite sous le soleil de la Syrie fut marquée par des malheurs qui rappellent les misères de nos soldats dans la retraite de Moscou au milieu des frimas. Il y avait encore, dit Millau, dans les cabanes, sur les bords de la mer, quelques malheureux qui attendaient qu'on les transportât. Parmi eux, un soldat était attaqué de la peste, et dans le délire qui accompagne quelquefois l'agonie, il supposa sans doute, en voyant l'armée marcher au bruit du tambour, qu'il allait être abandonné. Son imagination lui fit entrevoir l'étendue de son malheur s'il tombait entre les mains des Arabes. On peut supposer que ce fut cette crainte qui le mit dans une si grande agitation et qui lui suggéra l'idée de suivre les troupes. Il prit son havresac, sur lequel reposait sa tête, et le plaçant sur ses épaules, il fit l'effort de se lever. Le venin de l'affreuse épidémie qui coulait dans ses veines lui ôtait ses forces, et au bout de trois pas, il retomba sur le sable en donnant de la tête. Cette chute augmenta sa frayeur, et après avoir passé quelques moments à regarder avec des yeux égarés la queue des colonnes en marche, il se leva une seconde fois et ne fut pas plus heureux. À sa troisième tentative, il succomba, et tombant plus près de la mer, il resta à la place que les destins lui avaient choisie pour tombeau. La vue de ce soldat était épouvantable. Le désordre qui régnait dans ses discours insignifiants, sa figure qui peignait la douleur, ses yeux ouverts et fixes, ses habits en lambeaux, offraient tout ce que la mort a de plus hideux. L'œil attaché sur les troupes en marche, il n'avait point eu l'idée toute simple pour quelqu'un de sang-froid de tourner la tête d'un autre côté. Il aurait aperçu la division Kléber et celle de cavalerie qui quittèrent Antoura après les autres, et l'espoir de se sauver aurait peut-être conservé ses jours. Quand nos soldats, devenus impassibles, voyaient un de leurs infortunés camarades les suivre comme un homme dans l'ivresse, trébuchant, tombant, se relevant et retombant pour toujours, ils disaient « Il a pris ses quartiers ». Une page de Bourrienne achèvera le tableau. Une soif dévorante, disent les mémoires, le manque total d'eau, une chaleur excessive, une marche fatigante dans des dunes brûlantes, démoralisèrent les hommes et firent succéder à tous les sentiments généreux le plus cruel égoïsme, la plus affligeante indifférence. J'ai vu jeter de dessus les brancards des officiers amputés, dont le transport était ordonné, et qui avaient même remis de l'argent pour récompense de la fatigue. J'ai vu abandonner dans les orges des amputés, des blessés, des pestiférés, ou soupçonnés seulement de l'être. La marche était éclairée par des torches allumées pour incendier les petites villes, les bourgades, les villages, les hameaux, les riches moissons, dont la terre était couverte. Le pays était tout en feu. Ceux qui avaient l'ordre de présider à ces désastres semblaient, en répandant partout la désolation, vouloir venger leurs revers et trouver un soulagement à leurs souffrances. Nous n'étions entourés que de mourants, de pillards et d'incendiaires. Des mourants, jetés sur les bords du chemin, disaient d'une voix faible « Je ne suis pas pestiféré, je ne suis que blessé. » et pour convaincre les passants, on en voyait rouvrir leurs blessures ou s'en faire une nouvelle. Personne n'y croyait, on disait « son affaire est faite ». On passait, on se tâtait, et tout était oublié. Le soleil, dans tout son éclat sous ce beau ciel, était obscurci par la fumée de nos continuels incendies. Nous avions la mer à notre droite, à notre gauche et derrière nous, le désert que nous faisions. Devant nous, les privations et les souffrances qui nous attendaient. Il est parti, il est arrivé, il a dissipé tous les orages, son retour les a fait repasser dans le désert. Ainsi chantait et se louait le triomphateur repoussé en rentrant au Caire. Il emportait le monde dans des hymnes. Fin de la section 4.